Rimbaud d'Orange, le poète des abîmes, fleur inverse. Quand paraît la fleur inverse, sur roc rugueux et sur terre, est-ce fleur non gèle et gire, qui brûle, torture et trompe, mort son cri, bruit son qui cite, en feuille, en rêve et en once, même tient vert et joyeuse joie. Quand je vois sec les âcres prêtres, car le monde ainsi j'inverse, que pleine me semble terre, je viens pour fleurs, neige et gire, et pour chaud le froid qui trompe, l'orage méchant qui signe, et feuillus me sembleront, s'il y est ferme, suis à joie, que rien ne voit qui me soit traître. Sinon j'en à tête inverse, comme nourri sur des têtes, qui me cuisent plus que gire, qu'à tout de leur langue tronque, parlant d'une voix qui siffle. Rien n'y sert, ni rince, ni ronce, ni menace, ils ont grand joie, faisant ce qui les fait traître. D'un baiser je vous renverse, rien n'y peut, ni plat, ni tête, dame, ni gel, neige ou gire, car sinon pouvoir m'en faut. Dame pour qui mon chant fixe, vos beaux yeux sont pour moi ronds, qui frappent tant mon cœur en joie, que je n'ose avoir désir. Je vais comme chose inverse, cherchant roc et vent et terre, triste tel celui que gire, tenaille, torture et trompe, pas plus que clair, foule et ronde, de mon conquis, chant qui siffle, mais grâce à Dieu, m'accueille joie, en dépit des faux flatteurs prêtres. Aïe mon verre, je me l'inverse, qu'il résiste à bois et terre, là où n'est ni gel, ni givre, ni force de froid qui trompe, qu'il le chante clair et si, que madame est au cœur ronce, celui qui sait chanter en joie, celui qui ne sied à chanteur traître, douce dame qu'amour et joie nous unissent malgré les traîtres. Jongleur, j'ai bien moins que de joie. Vous partez, je fais mine. Paraît la fleur inverse, sur roc rugueux et sur terre.